with me? Can you handle this? J.R. Marot, Office Central, en mode miracle. Heilige Maagd, manifeste-toi. Delta Charlie. Le monde entier va écouter cette mélodie triste comme la maladie. Tolinganite, kingatama wate. Tangom foule betaka, et zarama ya miswa maro. Pomo kile tondi mansumu, nzambe kuta zolela. Pomo nga yike la muna yena. Honorable Gentil Ngobila. Choque Salina. Don Juan Brindisi. de son fond congé. Et Isaac et Mamba. Meyous. Badaye triple quoi. Oiza triple d'ailleurs.